envie d'attacher. Maintenant je suis love de toi. Et des fois j'ai tout gâché. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis trop vite attacher. Maintenant je suis love de toi. Et des fois j'ai tout gâché. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. On s'est disputé jusqu'à un berger toute la journée. J'ai même pensé à me bourrer. Bébé, tu sais, je t'aime comme jamais. Bébé, regarde où on en est. J'ai prévu un truc pour nous ce soir. En ce moment, je t'en trop, je veux te voir. Dans ma tête, c'est pas une autre que toi. Et venez pas me demander pourquoi. N'importe quoi. Je me suis trop vite attachée. Maintenant je suis love de toi. Et des fois j'ai tout gâché. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je t'ai vexé, tu t'es fâché. La la la la. Heureusement qu'on s'est pas lâché. Vivons heureux dans le caché. La la la la. J'ai pensé à toi tout le trajet. J'en veux faire qu'à ma tête et j'fais n'importe quoi. Désolé si des fois j'fais n'importe quoi. Et j'pense à toi ouais des fois quand je bois. Et moi tu le sais que j'ferai tout pour toi. N'importe quoi. Je me suis trop vite attachée. Maintenant je suis love de toi. Et des fois j'ai tout gâché. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je t'ai vexé, tu t'es fâché. La la la la. Heureusement qu'on s'est pas lâché. Vivons heureux dans le caché. La la la la. J'ai pensé à toi tout le trajet.